Entre dans mon antre et du camp. Entre pour que ton ventre passe à l'action. Laisse-toi tenter par les 100 boîtes de pâté. Packaging breveté par VRP patenté. Si tant est que tu sois bien dans ton jean. Vas-y, ose la razzia sur les 15 kilos de pâte en vrac. Stock les steaks en bloc ou en plaque. Faut bien que tu bectes et t'engraisses avant le coup de grâce, avant que le grand tic-tac stop, avant que le prochain crack te croque. Toi l'inconditionnel des offres promotionnelles, on promet monts et merveilles à des cons émerveillés par des réveils vermeils et des bons réductionnels à la caisse ouverte même le dimanche. Dimanche, de balai à chiottes pour 10 balles, ça t'emballe? De beaux cadeaux pour tes vieux qui ne checkent que du toc et ne captent que quick à ta conso ad hoc. Quoi? KO. Tu tiens pas le choc? Tu te sens cuit comme un ad hoc barbecue? Ok, tac. Top donc la doc. Cette semaine, c'est la crème dessert en action. Tout le monde se touche pour une portion. Tout le monde se couche pour la crémation. Travaille. Achète. Consomme et meurt.